Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Gloire au Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Amen, Joanne. The Lord spoke with me about the meeting. Amen, Joanne. Le Seigneur m'a parlé du rassemblement. That is coming up to the French Guiana. Qui vient en Guyane française. Yesterday the Lord spoke about this earthquake and the tremor. Hier, le Seigneur a parlé de ce tremblement de terre et de la vibration. Tall tower, de la haute tour, the metal black, le métal noir, the chain, the wire that is chained and woven like an electric cable, la chaîne, le câble qui est enchaîné, tissé comme un câble électrique, and the trembling and the running away in the sexual scene in that part of the world, et le tremblement et la fuite et le péché sexuel dans cette partie du monde. Aujourd'hui, le Seigneur a parlé du service de guérison, qui est une partie de la seconde conversation sur le service de guérison hier. Quand j'ai dit « je me vois moi-même », ça va être le soir. And people are healed, and then the Holy Spirit comes from heaven as a white, glorious dove. Today I can say it now. Les gens sont guéris. Et ensuite, le Saint-Esprit vient des cieux comme une glorieuse colombe blanche. Aujourd'hui, je peux le dire à présent. Viens comme une glorieuse colombe blanche sur son serviteur pendant le service de guérison. Et c'est toujours ma prière que d'autres personnes puissent le voir aussi. It is the preserve of the Lord based on his wisdom, his hidden wisdom and counsel. Mais parfois, c'est la prudence du Seigneur basée sur sa sagesse cachée et conseil. On what to allow people to see or not. Sur ce qu'il faut permettre aux gens de voir ou non. So sometimes it is veiled, sometimes it's opened. Parfois, c'est voilé, parfois, c'est ouvert. I see the Holy Spirit coming from heaven at the healing service. Je vois le Saint-Esprit venir des cieux au service de guérison. As a white glorious dove over his servant during the healing service. Comme une glorieuse colombe blanche sur son serviteur pendant le service de guérison. And it's at night because I see the light, the floodlight. Et c'est le soir parce que je vois les lumières crues. And today he showed me this baby. Et aujourd'hui, il m'a montré ce bébé. Who is standing in front of me and the eyes are wide open. I think the Lord is open to heal the eyes, open the eyes of a blind baby. Qui est debout devant moi et les yeux sont grands ouverts. Je pense que le Seigneur va guérir les yeux d'un bébé aveugle. I don't know if this baby stands up also, whether it's crippled also, but I...